بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في باب قصر الصلاة في السفر. Maintenant qui est le fait de raccourcir la salat lors d'un voyage. Dans le dernier ders, nous avons pris le fait de joindre entre les salawat, et maintenant pour le jugement du fait de raccourcir salawat. Non. يقول في الحديث التاسع والعشرين بعد المئة 129 حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. Donc Abdullah ibn Omar cite qu'il a été en voyage avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qu'il ne rajoutait, qu'il ne faisait pas plus que 2 rak'at. Également Abu Bakr, Omar et Othman. Tous ont agi de la sorte. Yaqulu Fadilat al-Shi'a ibn al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Il dit à Rawi, le rapporteur, Abdullah ibn Omar, celui qui rapporte le hadith, dont on a déjà parlé auparavant, le fils de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Yaqulu Maudu al-Hadith. Maintenant, le sujet, c'est de montrer le jugement du fait de raccourcir la salat lors d'un voyage. يقول في الشرح الإجمالي يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صاحب وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان في السفر فكانوا يقصرون الصلاة الرباعية إلى ركعتين. Donc, Abdullah ibn Omar informe qu'il a été en voyage en compagnie du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que de Abu Bakr et de Omar et de Othman, et que tous raccourcissaient la salat, qui était celle qui était de 4 rak'at à rak'atayn. C'est-à-dire, il faisait 4 rak'at, la salat de 4 rak'at, il la faisait en 2 rak'at. Il n'y a que celle-ci qui est raccourcie. Quant au Maghreb, il reste à 3, et le Fajr, il reste à 2. Voilà, il y a tenafaloun, comme les salats ou la barda, et qui ne faisait pas le salat sur le gâteau. Les salats ratiba qu'on a pris, dont on a parlé auparavant, ils ne le faisaient pas lors du voyage. Celles qui sont avant et sont les salats rattachés aux salats obligatoires, celles d'avant, celles d'après. Wa haddatha ibn Omar, radiallahu anhu, bihaza, hina kana fi safarin, fa salla zat yom, salat al-dhur, rakatayn, summa qama ila rahli, fa hanad minhu. التفاتة فرأى قوما يصلون فقال ما يصنعون هؤلاء قال يصبحون أي يصلون نافلة فقال ولو كنت مصبحا لأتممت ثم حدث بالحديث وقال لقد كان لكم في رسول الله صوة حسنة. Donc là maintenant le, il cite comment ce hadith a été révélé de la part d'Ibn Omar, c'est qu'il était justement en voyage et que là il a fait justement 2 rak'at pour le dhor. Ensuite il s'est levé et il s'est mis sur sa monture. Déjà, cela prouve que le fait de joindre entre les salawat n'est pas obligatoire. D'accord ? Joindre entre les salawat n'est pas obligatoire. Le khilaf, c'est est-ce qu'il est obligatoire de le raccourcir ou pas ? Et le shia lui voit que c'est obligatoire de le raccourcir. Pour celui qui ne prie pas en jama'a, qui ne fait pas la salat en jama'a. C'est-à-dire une jama'a de résident, je veux dire. Une jama'a de résident. Donc, Ibn Omar, après avoir fait ses 2 rak'at, il s'est mis sur sa monture. Et de là, il a vu des gens qui faisaient la salat, qui étaient avec lui. Et il a dit, que font ceux-là ? Et ils ont dit, ils font une salat surrogatoire. Et il a dit, Ibn Omar, si jamais je devais faire une salat surrogatoire, j'aurais fait une salat complète. C'est-à-dire, je l'aurais fait en tant que résident. Mais dans le voyage, je ne le fais pas. Et après, là, c'était le hadith. C'est-à-dire qu'en fait, il précise que faire une salat surrogatoire n'est pas une chose qui soit légiférée lors du voyage. Et il a cité comme dalil, la qad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Vous avez certes le message d'Allah un excellent modèle. Pour dire que lui ne le faisait pas, et les grands sahabis ne le faisaient pas, nous ne le faisons pas également. Non. Et là, il s'agit de quels salawat ? Là, on parle des surrogatoires, ceux qui sont rattachés aux salat obligatoires. Celles-ci ne sont pas faites pendant le voyage. À part celle du Fajr. Comme cela va être cité dans les fawaïd, que le shia va donner. يقول فوائد الحديث أصلًا تجد الحديث أولًا قصر المسافر الصلاة الرباعية إلى ركعتين وهو سنة مؤكدة وقيل فرض لقول عائشة رضي الله عنها فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين فتمها في الخضر فأقرت صلاة السفر على فريضته الأولى. Donc là le voyageur raccourcit la salat qui elle établit sur 4 rak'at vers 2 rak'at. Et que cela est une sunna qui est recommandée, affirmée. Et il a été dit également que cela est une obligation. Il a été dit que cela est une obligation. Et قال ثانيا أن السنة للمسافر ترك التنفل برواتب الفرائض إلى راتبة الفجر. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم صليها حضرا وسفرا. Et que maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, que la sunna, pour celui qui est voyageur, c'est de délaisser les salats ratiba, celles qui sont rattachées aux salats obligatoires, hormis les deux du fajr, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les faisait quand même. Il n'a jamais laissé ces deux rakats à aucun moment. Toujours les a accomplis, en voyage ou en tant que résident. Et également le witr, salat de nuit, même en voyage, elle est faisable. Et également le doha, salat du doha. Toutes les autres salawats obligatoires, celles-ci ne sont pas à faire. En voyage. Salisan suhulat al-shari'at al-islamiyya. Et troisièmement, on prend de ce hadith la facilité donnée par cette législation islamique. Wa bi dhalika naktafi wa alhamdulillahi rabbil alamin.